C'est la nouvelle Opel Corsa électrique. Yes, of course. Avec plus de 400 km d'autonomie. Yes, of course. Elle est cool à conduire. Yes. Dès 99 euros par mois en électrique ou essence. Yes, of course. Découvrez nouvelle Opel Corsa disponible immédiatement dès 99 euros par mois. Yes, of course. Corsa électrique, Corsa LLD 24 mois, premier loyer 3000 euros, bonus écologique 7000 euros déduits. Offre à particulier jusqu'au 30 avril, si acceptation par crédit part. Détails sur opel.fr. Pensez à covoiturer. Science Chrono, Antoine Beauchamp. Vous ne le savez peut-être pas, mais si vous avez du sel iodé dans votre cuisine, c'est à cause d'une maladie qu'on appela à la fin du XVIIIe siècle crétinisme et qui touchait principalement des populations dans les Alpes. Atteintes de troubles physiques et mentaux, ces crétins des Alpes sont devenus un enjeu de santé publique et de recherche médicale tout au long du XIXe siècle, jusqu'à ce qu'on identifie la cause de ces troubles et qu'on trouve un remède, sans doute le plus simple et le moins cher de l'histoire. Science Chrono vous raconte aujourd'hui l'histoire scientifique et médicale derrière une injure devenue désuète, crétin des Alpes. Bonjour Pauline Hervoy. Bonjour. Vous êtes chargée de recherche en démographie au Musée de l'Homme à Paris. Vous avez réalisé une thèse portant sur le recensement des handicapés au XIXe siècle, ce qui vous a amené à croiser cette histoire du crétinisme dans les Alpes. Merci beaucoup à vous d'être avec nous aujourd'hui pour parler de cette histoire scientifique et médicale qui se cache sous cette expression de crétin des Alpes, que notre langue a retenue comme une expression négative. Mais avant de dérouler ce fil historique et scientifique et médical, vous avez sélectionné pour nous aujourd'hui une archive. Et une fois n'est pas coutume, on a fait un tour du côté de la littérature avec un extrait du roman de Balzac, Le médecin de campagne, paru en 1833. Cette lecture vous est faite par Laurent Blanpin. Malgré les innombrables spectacles de sa vie militaire, le vieux cavalier ressentit un mouvement de surprise, accompagné d'horreur, en apercevant une face humaine où la pensée ne devait jamais avoir brillé. Face livide, où la souffrance apparaissait naïve et silencieuse, comme sur le visage d'un enfant qui ne sait pas encore parler et qui ne peut plus crier. Enfin, la face tout animale d'un vieux crétin mourant. Le crétin était la seule variété de l'espèce humaine que le chef d'escadron n'eût pas encore vue. À l'aspect d'un front dont la peau formait un gros pli rond, de deux yeux semblables à ceux d'un poisson cuit, d'une tête couverte de petits cheveux rabougris auxquels la nourriture manquait, tête toute déprimée et dénuée d'organes sensitifs, qui n'eût pas éprouvé, comme Genesta, un sentiment de dégoût involontaire pour une créature qui n'avait ni les grâces de l'animal, ni les privilèges de l'homme, qui n'avait jamais eu ni raison, ni instinct, et n'avait jamais entendu ni parlé aucune espèce de langage. En voyant arriver ce pauvre être au terme d'une carrière qui n'était point à la vie, il semblait difficile de lui accorder un regret. Cependant, la vieille femme le contemplait avec une touchante inquiétude et passait ses mains sur la partie des jambes que l'eau brûlante n'avait pas baignée, avec autant d'affection que si c'eût été son mari. Benassi lui-même, après avoir étudié cette face morte et ses yeux sans lumière, vint prendre doucement la main du crétin et lui tâta le pouls. Voilà, Pauline Hervoy, cet extrait du médecin de campagne de Balzac. On verra que ça a du sens, le fait même que dans un livre d'un des plus grands auteurs du 19e siècle intervienne cette figure du crétin. Mais avant ça, j'aime toujours demander à mes invités, quand ils font le choix de l'archive, la raison pour laquelle ils ont fait ce choix-là. Alors pourquoi avoir fait un détour du côté de Balzac alors qu'on aurait tout à fait pu prendre un extrait d'un relevé médical ou d'un traité, d'un essai, d'un discours scientifique? Oui, tout à fait. Moi, j'ai trouvé que c'était un petit peu original de passer par la littérature, notamment parce que cet extrait montre l'effet de découverte. Il y a vraiment cette rencontre que le commandant Genesta fait avec le crétin et il exprime sa surprise, mais aussi son horreur et son dégoût vis-à-vis de ce crétin. Et ça, c'est quelque chose qui va être assez représentatif des voyageurs qui se baladent dans les Alpes à la fin du XVIIIe siècle et qui rencontrent ce crétin et qui rapportent leur dégoût, en fait, face à ces êtres à mi-chemin entre l'humain et l'inhumain. Ce qu'il y a d'intéressant aussi dans cet extrait, selon moi, c'est que on a la double position donc du voyageur, comme je vous le disais, qui découvre le crétin, et également des populations locales qui, elles, ont des attitudes extrêmement attentionnées vis-à-vis des crétins. Et donc là, on a vraiment deux visions, deux perceptions du crétin. On verra, oui, bien sûr que l'ouverture de ces espaces enclavés de montagne que sont les Alpes au tourisme et à des voyageurs urbains, éduqués, aura un rôle à jouer dans la publicité finalement que vont prendre les recherches autour de ces pathologies-là. D'un point de vue purement lexical, quand est-ce qu'on peut dater l'apparition de ce terme crétin dans la langue française et à quelle réalité il fait référence ? Dès le XIe siècle, il y a des goitreux qui sont décrits dans les récits littéraires. Et on voit apparaître les crétins à partir du XVIe, XVIIe siècle, mais ce n'est pas le mot qui est utilisé. Le terme de crétin, on peut l'attribuer au marquis Témoléon Guy-François de Maugiron, qui est un lieutenant des armées, qui voyage lui en Suisse, donc dans les Alpes également, et qui relate en 1750 avoir rencontré cette espèce d'hommes, qui sont appelés localement des crétins. Il est décrit comme des personnes sourdes, muettes, imbéciles, et qui ont la particularité remarquable de porter un goitre, donc une déformation de la thyroïde. Ça, c'est quelque chose qui va beaucoup marquer les esprits. Ce côté un peu laid, en fait, que les crétins ont. Le marquis de Maugiron décrit également que ces individus, ces crétins, sont incapables d'idées et sont assez violents dans leur comportement. Pas violents vis-à-vis d'eux ni des autres, mais ils sont assez primitifs, en fait, en quelque sorte. Et ça, c'est quelque chose qui va assez perdurer dans les récits médicaux et littéraires qui décrivent les crétins. Je dirais que les trois choses à retenir qui décrivent le crétinisme, ce sont des individus qui sont porteurs de goitre, donc de ce gros cou. C'est également des individus qui vivent dans les Alpes, principalement, et des individus qui sont atteints de déficience intellectuelle ou mentale. Et d'ailleurs, Étienne Esquirol résumera simplement que les crétins sont les idiots des Alpes. Ce qui est intéressant dans cette première communication du marquis de Maugiron devant la Société Royale de Lyon en 1750, c'est qu'elle va être reprise quasiment mot pour mot dans l'encyclopédie d'Alembert en 1754, et c'est ce qui va donner finalement la première impulsion à la connaissance de ces pathologies propres à certaines localités très reculées, très enclavées des Alpes, qui n'ont aucune valeur d'insulte. Ce mot de crétin, c'est difficile pour nous de l'entendre autrement que comme ça, mais à cette époque-là, ça désigne vraiment des personnes atteintes de déficience mentale et physique. Vous le disiez, ce goitre-là, pourquoi il ne faut pas finalement dire que toute personne à cette époque-là qui a un goitre est crétine, et inversement, pourquoi tous les crétins, eux, ont un goitre ? Comment est-ce qu'on fait cette distinction-là ? Alors, en fait, le crétinisme, c'est la forme la plus avancée du goitre. Beaucoup de personnes sont identifiées comme porteuses d'un goitre, mais aussi bien dans les Alpes que dans les Pyrénées, que dans les Andes, en Amérique du Sud. Donc, en fait, le goitre, il est observé partout, et même en fait en Bretagne. Donc, on reviendra un petit peu plus tard sur comment on a combattu le goitre. Mais en fait, ça, c'est paradoxal d'imaginer qu'en Bretagne, il y avait également des populations atteintes de goitre. Et la particularité, c'est qu'effectivement, dans les Alpes et dans une moindre mesure dans les Pyrénées, il y a des individus qui sont atteints de crétinisme, donc de cette déficience mentale. Et donc, on est sur la forme à la fois plus avancée du goitre et également sur la forme de naissance, en fait. Les individus qui naissent crétins demeurent crétins toute leur vie. Alors, parlons du moment, finalement, à partir duquel ces personnes-là, souffrant de crétinisme, vont devenir objet, sujet de recherche médicale. Je crois que ça commence donc à partir de ces communications-là de Maugiron, mais à la fin du XVIIIe siècle, il y a déjà des prémices de recherche médicale autour du crétinisme. Oui, tout à fait. Le premier auteur a publié sur un essai sur le goitre et le crétinage. Oui, parce qu'on appelait crétinage à ce moment-là. Tout à fait. Ouais. C'est François-Emmanuel Faudéré qui lui-même a grandi et né à Saint-Jean-de-Maurienne, donc en cœur de l'endémie de crétinisme. Et alors lui, il est moins choqué par l'existence des crétins, puisqu'il a toujours connu leur existence, mais il va surtout chercher à identifier les causes, l'origine, pour pouvoir combattre ce mal qui est observé de plus en plus souvent et dont les voyageurs rapportent de plus en plus souvent l'existence de ces individus. C'est intéressant que vous parliez de Pierre-Emmanuel Faudéré, du fait que lui-même était originaire de Saint-Jean-de-Maurienne et qu'il était confronté, ou en tout cas il était familier avec ces populations-là. Si je reviens à ce que disait Maugiron dans son article, dans son discours prononcé devant la Société Royale de Lyon, il dit que la simplicité des Valaisans les leur fait considérer, regarder comme les anges tutélaires des familles, et celles qui n'en ont pas se croient assez mal avec le ciel. Alors, on pourrait se dire que pour ces personnes-là qui ont des crétins dans leur famille, ça pourrait être considéré comme une malédiction, et c'est tout l'inverse. Comment est-ce qu'on l'explique, ça ? Vous soulignez un point extrêmement intéressant, selon moi, c'est effectivement cette ambivalence entre les populations locales qui considèrent les crétins comme effectivement des porte-bonheur, c'est des mots qui sont employés comme une bénédiction de Dieu. Les familles cherchent absolument à avoir un crétin dans leur entourage. Et à l'inverse, les voyageurs et les médecins qui vont porter un regard très critique, très péjoratif en fait sur ces individus-là. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve principalement dans les débats sur l'étymologie du terme de crétin. Puisque au XIXe siècle et aujourd'hui encore, on n'a pas réussi à établir l'origine du mot crétin. Et alors, plusieurs hypothèses sont mises en avant, mais les deux principales, ce serait que le crétinisme viendrait du mot chrétien. Chrétien, ouais. Puisque ces individus seraient incapables de commettre un quelconque péché. Et d'autres médecins imaginent que le terme viendrait plutôt de Kredling, cré en allemand, et qui serait associé en fait à leur teint blafard, très blanc. Et là, en fait, on a deux origines qui s'opposent, l'une symbolique, le chrétien, et l'autre descriptive, la cré. Comment est-ce qu'on explique que les crétins, de sujets de description, de récits de voyageurs, deviennent un objet de recherche médicale? Quelles sont les questions qu'ils posent vraiment à la communauté des médecins et à cet esprit hygiéniste, aliéniste naissant? Selon moi, ce qui fait que les crétins deviennent un objet d'étude au XIXe siècle, c'est justement cette idée qu'ils apparaissent un petit peu du jour au lendemain, au départ dans les Alpes, mais en fait l'idée c'est que l'information remonte à Paris et que c'est plutôt les médecins parisiens en fait qui vont s'accaparer l'étude de ces populations là et qui vont porter ce regard un peu péjoratif sur les crétins, et donc avec l'idée qu'en fait le but ultime ça va être de rechercher les causes de leurs maux. Et là en fait c'est là où le crétinisme va s'inscrire dans le contexte idéologique du 19e siècle, puisque trois types de causes vont être principalement investiguées. Les premières, c'est les causes naturelles, donc on va chercher dans l'environnement naturel, physique, géologique, qu'est-ce qui pourrait être à l'origine du crétinisme. Donc tout va être exploré, le sol, les eaux, les vents, l'ensoleillement. Voilà, tout ce que vous pouvez imaginer. Vous imaginez les conditions de vie de ces personnes qui vivaient dans un monde rural alpestre. C'était des vies très enclavées, très sédentaires, pas beaucoup de voyages, et c'était généralement des conditions de vie très très rudes. Et ce qui marque surtout les médecins, et ce qui les amène à émettre ces hypothèses sur l'environnement, c'est que les crétins sont tous au même endroit. Oui. Mais ce qui les surprend aussi, c'est que si certaines localités, certaines vallées sont infestées, je dirais, de crétins, la vallée d'à côté est complètement exemptée de crétinisme. Et ça, c'est quelque chose que les médecins n'arrivent pas à comprendre. C'est aussi les raisons pour lesquelles ils font appel à d'autres hypothèses, des hypothèses plutôt individuelles. L'histoire de la famille, est-ce qu'il y a d'autres maladies au sein de la famille? C'est là où la question de l'hérédité va commencer à apparaître. Est-ce que on n'a pas plutôt observé que les femmes goitreuses donnent naissance à des crétins? Et auquel cas, ce serait la transmission de la mère à l'enfant? Est-ce qu'au cours de la grossesse, il y a eu des événements qui peuvent expliquer que l'enfant en est crétin? Et le troisième type d'hypothèses qui vont être mises en valeur, ça va être les hypothèses sociales. Et là, on va être plutôt sur les mœurs, les habitudes, qu'est-ce qui, dans la consommation d'alcool, par exemple, la consommation alimentaire, pourrait expliquer que certains individus soient atteints de crétinisme et d'autres là. Antoine Debecq, qui a consacré un livre à cette histoire des crétins des Alpes, fait mention du fait que ça amène à la production d'une quantité de thèses. Lui, il a constaté plus d'une centaine de thèses consacrées aux crétins des Alpes. Dans ses hypothèses pour expliquer le crétinisme, il parle aussi de la thèse raciale, qui aurait comme une forme de dégénérescence d'une race alpine, et qui a été une thèse qui a été relativement vite combattue. Pourquoi ces multiples hypothèses, finalement, nous dessinent en creux le portrait d'une science médicale renaissante, on va dire, au 19e siècle? Qu'est-ce que ça nous dit de ces théories qui émergent et de ces nouvelles pratiques de recherche scientifique et médicale? Vous avez raison de souligner cette thèse raciale, puisque en fait, ce qui, selon moi, amène le crétin à être l'objet de telles enquêtes, puisque effectivement, il y a des enquêtes médicales qui sont menées à petite échelle par les médecins sur des départements, sur des vallées. Et il y a également des enquêtes à l'échelle nationale qui vont se développer. Et effectivement, ce qui interpelle les médecins et ce qui les pousse à demander à l'État d'intervenir pour mener des enquêtes, c'est le fait que, selon eux, le crétin, c'est le dégénéré par excellence. C'est les mots qui sont employés par Bénédicte Augustin Morel. Et en fait, le père de cette théorie de la dégénérescence, qui était psychiatre. Tout à fait. Et qui va dire, mais en fait, regardez, ma théorie, elle tient la route, puisque face à vous, vous avez l'expression même de cette dégénérescence de la population. Et en fait, si ça continue, si les dégénérés transmettent leur dégénérescence aux générations suivantes, l'humanité est appelée à disparaître. Et là, il y a un souci qui se crée, c'est qu'en 1860, la Savoie est rattachée à l'Empire, à la France, à l'Empire de Napoléon III. Là, il y a la crainte d'une contamination et de fait, le crétinisme devient un problème de santé publique à l'échelle de la France. À partir de là, du coup, voilà, qu'est-ce qui se met en place ? Est-ce qu'il y a des politiques spéciales où on va ouvrir des asiles d'aliénés dédiés aux crétins ? Qu'est-ce qu'on va essayer de faire avec ces personnes-là ? Je crois que faute d'essayer de les guérir du crétinisme, certains psychiatres essaient de corriger tout ça et donc du coup de leur apprendre, par exemple, d'essayer de leur apprendre à chanter alors qu'ils sont sourds-muets. Enfin, c'est tout un tas de pratiques un peu baroques pour nous, mais qui sont à l'époque justifiées de façon très scientifique. Comment est-ce que, à partir de ce tournant du milieu du 19e siècle, les choses évoluent ? Alors effectivement, les savoirs vont se construire de plusieurs manières. Vous soulignez les pratiques qui sont mises en place dans les asiles. Donc il y a l'idée de questionner est-ce que les crétins sont curables ou incurables ? Est-ce qu'on peut les soigner ? Est-ce que les faire entrer à l'asile, c'est les aider à être moins déficients et à être peut-être plus actifs dans la société également, moins un poids pour la société ? Donc des expérimentations vont être réalisées pas toujours très éthiquement acceptables. Oui. Et l'autre construction de savoir qui va émerger, c'est les savoirs statistiques, puisque c'est une époque où les enquêtes statistiques se développent énormément. Et effectivement, suite au rattachement de la Savoie, le Napoléon III va demander à Maximilien Parchappe, qui est aliéniste, d'essayer de comprendre un peu ce qui se passe en Savoie, pourquoi est-ce qu'il y a autant de crétins. Et Parchappe va lui dire que ce n'est pas suffisant d'enquêter sur la Savoie, il faut vraiment faire une enquête à grande échelle. Et c'est ainsi que va naître l'enquête 1863 sur le goitre et sur le crétinisme, qui par contre va être plutôt un échec, puisqu'en fait très peu de communes répondent à cette enquête-là. Mmh. Mais il y a des attentes en fait du point de vue local et du point de vue politique. Là on parle d'histoire de l'épidémiologie, des enquêtes statistiques en santé publique, d'histoire de la médecine. C'est aussi une histoire, cette histoire du crétinisme des Alpes, qui mobilise l'histoire de la chimie, parce qu'on n'a pas parlé au début des années 1810 de la découverte de l'iode, qui va avoir une vraie importance dans la compréhension des causes du crétinisme. Ces deux histoires qui vont évoluer en parallèle jusqu'à se croiser plutôt dans la deuxième moitié du 19e siècle. Voilà. Expliquez-nous le lien qui va être fait progressivement entre cette molécule-là et le crétinisme. Oui, tout à fait. Alors, ce qui est important de noter pour fixer des découvertes, c'est qu'en 1810, Bernard Courtois découvre l'iode. Alors, l'iode, en fait, c'est un gaz qui est violet. D'où son nom iode, qui vient du grec iodes, qui veut dire violet. Et le médecin suisse Jean-François Condé va démontrer que l'usage de l'iode a un effet sur le goitre, qui fait diminuer le goitre. Ça, on est dans les années 1820, il fait une expérimentation un peu à l'aveugle, mais qui se révèle très efficace. Lui, il essaye de montrer qu'en fait, c'est efficace pour soigner le goitre, mais effectivement, il y a d'autres expérimentations qui sont faites à côté, et son discours n'est pas entendable. Comme vous l'avez souligné précédemment, justement, parce que en fait, les médecins sont portés par des hypothèses hygiénistes. C'est surtout de l'habitat qui est à l'origine de plusieurs maladies propres au 19e siècle. Donc en fait, on va chercher dans l'histoire familiale, dans l'histoire de la société, dans les pratiques de la société et dans l'environnement, les causes. Et en fait, l'idée que l'absence d'un gaz puisse être à l'origine d'une maladie, c'est quelque chose qui n'est en fait pas entendable dans un discours. C'est très loin de leur considération, ouais. Alors effectivement, Coindé, ça sera pas le seul ça sera le premier en tout cas à faire un rapprochement entre l'usage de l'iode et le goitre, mais d'autres médecins vont œuvrer derrière et avec l'écoute aussi faible en fait. Ouais. Et ça, c'est aussi dû au fait, comme je disais, que le discours est pas entendable, mais aussi qu'il y a eu des problèmes de dosage. En fait, les médecins ont parfois mis trop d'iode dans leurs remèdes et donc ça a donné lieu à des intoxications. Donc Le remède a été mis sur l'étagère. Exactement. Et on l'a oublié. Mais il y a aussi l'histoire de la compréhension d'une famille de glandes, enfin de la thyroïde, qui entre en jeu. Là aussi, c'est de l'anatomie, c'est comprendre le rôle que joue cette glande-là dans la production des hormones qui vont favoriser la croissance, le développement, le métabolisme. Et du coup, le rôle que va jouer l'iode dans la production de ces hormones, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Et en tout cas, comment est-ce qu'on arrive progressivement à faire le lien entre cette hyperthyroïdie-là, l'absence d'iode et la, finalement, survenue du crétinisme ? Alors, d'un point de vue médical, effectivement, l'iode va être capté par la thyroïde. Et c'est cette captation qui va produire l'hormone thyroïdienne. Et c'est l'hormone thyroïdienne qui est à l'origine du développement cérébral du fœtus. Donc, si vous n'avez pas assez de iode, l'hormone thyroïdienne ne se développe pas et donc ce goitre apparaît. Et c'est dans les années 1920 que la relation entre l'iode et le goitre va être développée. Et ça va commencer par la Suisse. La commission suisse préconise en fait d'introduire de l'iode dans le sel pour donner accès en fait à toutes les populations à des doses d'iode minimales. Et là, c'est le remède miracle. Il n'y en a pas beaucoup des histoires de remèdes aussi simples finalement qu'un petit peu plus d'iode dans le sel de table, hein, le sel de consommation courante, pour prévenir d'une maladie qui a finalement été très importante dans ces régions-là. Et là, c'est le remède miracle, effectivement, c'est la politique sanitaire la plus simple et la plus efficace et la plus économique que le monde ait connue. Par contre, l'histoire, elle est peut-être pas aussi belle que ça, puisque faut attendre 1952 pour que l'OMS intervienne pour généraliser la consommation du sel iodé sur les tables. Et en France, donc 1952 aussi, donc on a un peu tardé. On a démarré en 1750, on est en 1952. On est resté dans cette région montagnarde des Alpes. Vous avez évoqué en début d'émission, et je ne l'ai pas oublié parce que ça me parle, cette question de la survenue de présence de goitre en Bretagne. Alors là, pour le coup, on pourrait se dire, mais l'iode en Bretagne, il y en a quand même pas mal. Qu'est-ce qui se passe là? Comment on explique cette survenue-là? Et ben là, en fait, c'est la consommation de choux qui va être à l'origine de la poussée du goitre. En fait, il y a certains aliments qui sont goitrogènes et qui développent le goitre. Et l'avantage que ça, entre guillemets, c'est que seul le goitre se développe et non pas le crétinisme, puisque le goitre peut évoluer en fonction du déplacement des populations, en fonction de l'évolution de la consommation des individus. Le chou avec modération, le sel aussi, on sait que c'est pas très bon pour notamment la survenue de maladies cardiovasculaires. La Suisse, pour l'anecdote, en 2014, a été prise à son propre piège dans ses politiques de santé publique, parce qu'elle avait conseillé justement dans les campagnes publiques de réduire la consommation de sel. Et elle a été confrontée à nouveau à la présence et à la réémergence d'une déficience en iode dans la population générale. Alors ils ont dû modifier leurs recommandations. C'est intéressant parce que finalement, ça n'en finit pas dans ces régions-là d'être exposé à cette déficience en iode. Oui, tout à fait. Il y a un exemple complémentaire à celui-ci, c'est l'exemple de Peter Farwa, qui, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, se rend compte dans les années 50 qu'il y a une recrudescence de crétinisme et essaie de comprendre ce qui se passe. Et en fait, ça s'explique par le fait que les populations avaient l'habitude de commercer entre elles avec du sel et notamment avec des fours à sel. Et avec l'arrivée des colons et des missionnaires, en fait, toutes ces traditions ont été évincées. Interdites. Oui. Et recrudescence de crétinisme. Et donc, on est à peu près dans le même type d'exemple que celui que vous citez sur la Suisse, à savoir des fois, les populations s'équilibrent et leur santé s'équilibre et des interventions peuvent être bénéfiques comme maléfiques. On arrive bientôt au terme de cette émission. Pauline Hervoy, j'aimerais peut-être que vous me parliez de ce travail que vous avez conduit et en tout cas, comment vous avez intégré le crétinisme à cette histoire des enquêtes statistiques en médecine et en santé publique au 19e siècle. Et comment est-ce que finalement cette histoire du crétinisme incarne bien un tournant médical dans la prise en charge des personnes qui souffrent de handicap et d'infirmité? Alors moi, je me suis principalement intéressée à la production statistique de savoir sur le handicap et j'avais particulièrement travaillé sur deux sources administratives que sont les recensements de la population qui en 1851 intègrent une variable sur l'infirmité et sur les comptes rendus sur le recrutement militaire, donc les jeunes hommes exemptés du service militaire pour cause de maladie ou d'infirmité. Et en fait, il manquait un petit peu cette troisième source où à la fois l'administration, la politique intervient, puisque pour mener à bien une enquête nationale, il faut l'intervention de l'État, mais où les médecins sont aussi sollicités à la fois pour construire le questionnaire, pour penser le questionnaire et aussi pour l'analyser. Donc on est un peu à mi-chemin entre l'histoire de la statistique et l'histoire de la médecine en passant par les enquêtes. Et c'est intéressant parce que cette figure du crétin dans l'imaginaire, elle évolue aussi. On parlait tout à l'heure de ces personnes considérées comme angéliques par leur famille et puis qui deviennent des sujets d'études médicales. On rappelle qu'à l'époque, l'épidémiologie au tournant du 18e, 19e siècle, ça n'existe pas, qu'il y a tout un tas de connaissances qui ne sont pas en place. Et puis finalement, que cette figure-là, elle a évolué dans les mentalités aussi grâce à la science. Tout à fait. Et ce qui est intéressant dans ce travail de recherche polynervois, c'est que c'est un travail de recherche portant sur les statistiques, et on n'a pas parlé du nombre et de l'ampleur du phénomène du crétinisme dans les Alpes. Peut-être pour conclure, est-ce qu'on avait une idée du nombre de crétins qu'il y avait dans les Alpes à ce moment-là ? Eh ben, comme je disais, il y a plusieurs types de sources qui existent pour connaître le nombre de crétins dans les Alpes. Alors, si les médecins s'attellent à essayer de comprendre les causes pour pouvoir prévenir et guérir le crétinisme, l'État est plutôt, lui, à l'écoute du nombre et de l'évolution et de la répartition. Et là, on a, je disais, donc trois sources principales. La première, c'est les recensements quinquennaux de 1851 à 1876. Et là, dans les recensements, selon les années, on a entre 40 000 et 60... autour de 40 000 crétins, soit environ un crétin pour 1000 habitants. Mmh. Quand on regarde les résultats de l'enquête de 1863-1873, on a 450 000 crétins, 10 fois plus. La méthodologie n'est pas la même, effectivement, mais quand même. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette enquête de 1863, à la fois, elle repose sur l'enquête qui est menée sur le terrain, mais aussi Jules Baillarger, qui est l'auteur du rapport, va chercher dans les comptes rendus du recrutement militaire des statistiques pour l'aider à reconstruire les données qui lui manquent. Et ce qu'on voit, c'est que dans le recrutement militaire, on est plutôt à 5 à 6 exemptions pour cause d'idiotie, de crétinisme ou d'imbécile pour 1000 examinés. Donc on est déjà dans un autre ratio que le recensement. Et surtout, on a des disparités régionales. Par exemple, dans les Hautes Alpes, on est à 30 exemptions pour 1000 examinés. Donc c'est sûr qu'en s'appuyant sur des telles données, eh ben, ça fait que l'estimation, elle est biaisée. Donc en fait, je ne peux pas répondre à votre question sur combien il y en avait, parce qu'il y a trop de biais en fait, qui existent à l'époque pour pouvoir estimer cela. Et ça illustre bien aussi le tâtonnement de la médecine et des statistiques à l'époque en matière de santé publique. En attendant, vous saurez expliquer l'expression du capitaine Haddock, crétin des Alpes, à vos cousins, à votre famille. Donc si Science Chrono sert à ça, c'est déjà ça. Merci beaucoup à vous, en tout cas Pauline Hervois, d'être venue nous raconter cette histoire des crétins des Alpes. Salt, pour finir par une note salée, par Alex G. Pour finir cette émission, un grand merci à Eve Etienne et à la réalisation Olivier Bétard. Merci à Sabine Dahuron de l'INA qui nous accompagne de semaine en semaine dans la recherche d'archives. Et merci à Élise Le, aujourd'hui à la technique. Vous pouvez réécouter cette émission comme toujours sur l'appli Radio France ou bien sur le site franceculture.fr. N'oubliez pas de régler vos montres à l'heure des sciences. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, pour un nouvel épisode de Science Chrono.